J'aperçois ton cousin Landry qui mais ton camarade. Landry, vois donc et fais-nous dans mes bras. Or ça, garçon, tu sauras de ce nigaud calmer l'inquiétude et lui montrer congrûment tout l'agrément qu'il trouvera dans votre étude. Fiez-vous à moi. Je te laisse et vais voir quelques amis en ville. À tantôt, au revoir. Eh bien, nous voici donc collègues, et puisque ton oncle me délègue ses droits sacrés, mon garçon, je veux faire de toi le plus franc polisson et le plus profond légiste. Ensemble on va grossoyer, ensemble on va festoyer. Ah Landry, je suis bien trop triste. Ça passera, Cormac. Oh non, la vie que tu mènes, vois-tu, n'est pas ce que j'en vis. Je suis très tendre et très farouche. Parfois je me jette à genoux et je sens monter à ma bouche des mots inconnus et très gros. Je les dis à celle que j'aime et pourtant ne la connaît pas, mais elle est bien près tout de même puisque je le lui dis tout bas. Elle est à moi. Je suis le cousin d'un saule pleureur. Non, non, j'ai peur, peur de la vie, peur de l'espoir, peur du bonheur. J'ai peur de tout ce que j'en vis, j'ai peur de moi-même, j'ai peur. Chasse cette crainte importune, toutes les femmes, mon mignon, te consoleront d'une, et c'est ce qu'elles ont de bon. Et puis au diable ta chimère, nous passerons tous deux du joli temps. L'étude donne sur les champs et disparaît sous le lierre. Le patron n'est pas un bourreau, les fenêtres sont sans barreaux, une charmille les ombrage. En écoutant les sons sonnets, on élabore des sonnets pour les beautés du voisinage. Il n'est pas jusqu'au petit clair, chacun voulant une chacune, qui ne vienne rêver au clair de la lune. Ce notaire, gens de guerre. Par aux femmes, car dans leur nouveau venu dans cette ville, je ne sais où donner du cœur. Guidez-moi, car je fais figure d'imbécile. Vous voulez rire, à ma gueule. Oui, sans parfois tenir, j'ai la pratique et j'ai la théorie. Maintenant, parlez. De sortir ici, car tel semble loin de s'ouvrir. Je veux avant 8 jours mourir pour quelques-unes de ma gêne. Prenez pitié. La présidente est tendre et sa taille est bien prise, mais elle la laisse un peu trop prendre. Vido. Impossible, voilà qui me plaît fort. Ah, c'est que celle-là n'est pas de la même farine. C'est la perle sans taille. Bien, la merveille. Et que dit-on d'elle? On ne dit rien. Pour la taille. Se désintéresse. Votre capitaine, je l'en vaux certes la peine.

moi, mon petit. Vous le voulez? Je le désire. Soit, mon ami. Les marines me font toujours rire. Mon capitaine, mon époux, maître Ré, notaire. Monsieur, je goûte fort d'éléments militaires. Mais bon, monsieur, je n'aime rien tant que notaire. J'ai gagné, je crois, pour être mousquetaire. Pardon, quand je vous vis, je me dis. Sommeille dans le sein de cet Emilio. Il est charmant, il est parfait. À votre approche, je ressentis pour vous un invincible attrait. Et moi, je me suis dit, ah mon Dieu, qu'il me plaîtrait point de Clavaroche. C'est votre nom? Oui. Le nom de Clavaroche, comme un très seul la se décoche. Clavaroche, Clavaroche, Clavaroche, Clavaroche, Clavaroche. Il est intéressant reproche, il ne connaît point d'anicroche. Clavaroche, Clavaroche, Clavaroche, Clavaroche, Clavaroche. Cela tête comme une cloche. Entendez-vous, Clavaroche, Clavaroche, Clavaroche. Clavaroche, à vous désormais je m'accroche. Venez dîner chez nous demain. C'est dit, nous sommes amis. Nous le sommes. Nous suivons le même chemin. Mais voici le moment de rassembler mes hommes. Ces soldats défilés, je daigne au peuple me mêler. Ah, ciel, que c'est dans mes veines. Bien, qu'as-tu, toi, tu chancelles. On dit que c'est dans mes veines. Que les ondes, comme elles semblent bonnes. Mais mon mignon, c'est ta patronne. Femme de maître André. Te voilà toute effarée. Ouf, me voici. J'ai fini mon affaire. Oh mon oncle, je veux être clerc de notaire. Quoi que vous en disiez, je le veux, je le veux. Venez l'occasion parbleu, par les cheveux. Voici maître André. Vite, vite. Cher confrère, mes compliments. Mon cher subtil, je vous les rends. Mon cher subtil, je vous les rends. Cher confrère, donnant suite au projet que je vous ai dit, je vous présente mon neveu. Bonjour, petit. Moi, connaissant votre bonne âme, je vous recommande, madame, ce pauvre enfant tout interdit. C'est Fortunio qu'on le nomme, il vous offre ses voeux. Bonjour, petit. Mon Dieu, que cette dame est belle. Place, place. Les soldats. Les soldats, gardez-vous. Les soldats, c'est la première partie. Rangeons-nous. Les soldats, rangeons-nous. Soit de l'endormir. vertu de ma vie. Voulez-vous bien ouvrir les yeux? Enfin, c'est fort heureux. Écoute-moi bien, Jacqueline. Mon cher Guillaume, je devine que vous êtes malade, mon cœur, et je vais vous soigner. Je vous dis que Guillaume, je veux que vous poigniez sur le champ de ce monde, souverain contre vos douleurs. Corbeau, voulez-vous me permettre à la fin de placer un mot? Guillaume, un clerc qui n'est point sot et qui prend soin de l'honneur de son maître, a vu cette nuit par votre fenêtre un homme seul qui s'est enfui. Voilà le fait. Que direz-vous pour vous défendre? Et te voir innocent. dit, tu me pardonnes. Avouez que je suis trop bonne. Mille fois. Endors-toi. Après un tel réveil, le pourrais-je tirer les rideaux? Oui, Pichon. Seigneur, le ciel est déjà tout vermeil, je suis comme un remords et tombe de sommeil. Adieu, coupable. Adieu, tigre. Adieu, bijoux sans parole. seuil du rendez-vous. Cependant, c'est lui que soupçonne, et prompt à se défiler, qui ne surveille plus personne, hormis le pauvre chandelier. Ma chère, je n'en dis rien. Ce n'est guère. Songez-y, les soupçons d'un mari jaloux volent sur nous à tire-d'aile. Il faut les fixer n'importe où. Ce ne sont pas des hirondelles. Ne plaignez-vous pas cependant que si je ne me comprends. Grand qui rit là-bas, au nom de celui qui se vaut. Lorsque la dame du notaire ne brille que d'un pas austère, on lui fait un long compliment, plein de respectueux hommages et de poussiéreuses images, qui, comme tout compliment, ment. Mais pour votre grâce, madame, il voudrait qu'il a beauté, dame à toutes nos beautés le plus haut. J'ai pensé que des roses, roses, diraient bien mieux que moi les choses qui semblent en situation. Écoutez donc ces violettes et ces polias, cassolettes, tout monte à nous en sang léger. Vous saluez, nom de parole, de l'hymne de leur corolle et de leur parfum mélangé. Écoutez-vous ces violettes et ces polias, cassolettes, tout monde nous en sent léger. Nous saluons le nom de parole et de l'hymne de leur corolle et de leur parfum mélangé. Je n'ai rien à courtiser, je suis prêt. fragile d'une mie à moi, assez jolie, un peu coquette, frivole et pourtant très honnête, et prend la vertu comme on doit, mais aimant aussi la toilette. Oh, la pauvrette a pour époux un bourgeois avare et jaloux. Je vous parle de mon ami qui l'oblige à faire en secret l'achat de moine impliqué que convoite sa fantaisie. À combien je plains votre ami. Alors il lui prendrait un serviteur pisté pour le charger en cachette de si petites emplettes. Souvent à l'oreille il lui dirait de quelle façon lui rendre service. Il serait son ami, peut-être son complice. Il sera ce que voudra madame votre ami. J'y souscrirai. Faire tout ce qu'elle désire et le faire avec un sourire. Je sourirai. Il faudrait encore savoir faire ce que vous ferez pour lui plaire. Je me tairai. Et si jamais la médisance suspectait tant de complaisance,

Avec la prestance d'un époux satisfait. Ce gamin qui le suit, serait-ce notre homme? C'est lui. Capitaine, je vous salue. Vous me voyez tout heureux. Je me sens léger, leste, généreux, une bienveillance en mon cœur afflue. Écoutez-moi, voyez-vous qu'hier au soir tu l'avais relu et me mêlait d'être jaloux. Oh, de n'être plus jaloux. Je suis content, la vie est bonne et Jacqueline me pardonne. Ne parlons plus de cela, je vous prie. Si, si, je veux que nous. Ici la fin de notre brouillerie, c'est agir en dit époux. Vous dînerez, capitaine, avec nous. C'est trop d'honneur que vous me faites. Je prépare ce soir une petite fête. J'aurai des violons, j'ai mandé nos amis et convié ces dames à la danse. Peste, quelle magnificence! En attendant, le grand couvert conserve à goûter. Le bonheur, ma femme, pour bonne idée. Au fait, mon cher, je vous présente un nouvel ami. C'est un clerc de mon étude. Il a bonheur et une belle âme. Et son cœur de jeune proclame, il fait la cour à ma femme. Monsieur, je suis à vous. Monsieur, peut-on vous demander votre nom? Fortunio. Ses parents ont du bien. Il est le cavalier de Jacqueline. Sans que je m'en fâche en rien, de noter où je n'entends plus avoir la mine. La tombe épouse. Madame la main. Ses soupçons sont calmés, ma chère. Nous n'avons plus que faire de ce petit. Renvoyez-le. Je fais ce que vous m'avez dit. Fortunio, servez votre voisine. Oui, monsieur. Je suis enchanté que mon vin ne vous soit goûté, capitaine. Mais il sied de porter la gracieuse. Mais, capitaine, pour que la fête soit véritablement complète, je vous propose un piquet. Sacrebleu ! N'est-ce pas ? C'est un noble jeu. Venez, mais venez, je suis un hôte aimable et rien déchire mon cœur. Jacqueline, restez tremblant et ravi. Vous l'avez oublié sans doute. Non, je ne l'ai pas oublié. L'office finissait. Je sortais de la messe. Vous étiez belle ainsi qu'une promesse. Vous avez pris des roses à mes pieds. Les cloches avaient l'air de sonner une aubade. Des clairs gens en rayon passaient sur l'esplanade. La brise caressait devant vous le chemin. Le printemps nous était arrivé le matin. Vos yeux profonds étaient couleur d'une dormante. Une boucle glissait au bas de votre menthe. Vous étiez un peu pâle et pâle et charmant. Et vous m'avez souri délicieusement. Depuis ce jour-là, je suis votre. Et je vous dirai que je n'ai jamais de pensée pour une autre. Ce que vous aimiez, je l'aimais. Et chaque soir, je m'endormais en m'enivrant. Vous pas. pas entendu quelque chose? Son amant. joie, il t'a bien obéi. Hélas, j'ai perdu ma peine. Excusez-moi, madame, il est ici. Mon Dieu! Par la petite porte, il est entré. Il l'a vu seulement. À présent, il ne faut pas qu'il sorte, ou bien il est perdu. Oui, c'est bien. Faut-il que je l'amène? Nous allions seulement nous l'aider, et que vous n'y Cher bijou, tous ces biens.